La contestation vibratoire, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement présent qui est fait pour le mois de janvier de l'année 2024. Donc, c'est le premier enregistrement que je fais en cette nouvelle année. Et j'en profite pour souhaiter une belle et heureuse année à tous les auditrices et auditeurs qui m'écoutaient. Et par rapport à cet enregistrement, ça va être en relation avec un échange de courriel que j'ai eu avec Francis de Montréal-Est. Il m'a apporté la nuance, donc des gens qui ont connu Bernard de Montréal il y a plusieurs années. Et j'ai un interlocuteur qui a décidé de s'appeler Francis de Montréal-S. Et donc, c'est un échange que j'ai eu avec lui là, dans les dernières semaines. Et puis, moi, je vais à mon rythme. Et je laisse les gens faire autant, dans le sens que l'échange a eu essentiellement cours au mois de décembre de l'année 2023. Et j'en ai profité pour me reposer un peu pendant le temps des fêtes, prendre une pause. Et là, j'avais l'énergie aujourd'hui d'y répondre. Et j'ai décidé de le faire dans le cadre d'un enregistrement audio, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver ça intéressant. Donc, je partage là, cet échange de messages. Et puis, il est possible que pendant l'enregistrement présent, vous entendiez en arrière-plan ma fille babiller. Donc, ma fille qui est âgée d'un peu plus d'un an. Donc, c'est tout simplement pour vous en aviser. Si vous l'entendez pleurer, rassurez-vous. Elle est avec présentement ma compagne là, qui s'en occupe. Et donc, tout ça, cette petite mise en contexte faite, bon, je vais commencer. C'est des fragments de l'échange que j'ai eu avec lui. Il y a eu beaucoup d'échanges de courriels. Et en fait, disons que j'y ai accordé une place privilégiée, dans le sens que c'est pas avec tout le monde que j'ai des échanges aussi volumineux, là. Mais bon, il m'a amené plus loin sur certains aspects et c'est dans cette optique-là que je fais l'enregistrement à présent là, pour vous partager ce que je trouve les éléments les plus intéressants qui ressortent de la discussion que j'ai eue avec lui. Et c'est en relation naturellement avec l'intégration de l'instruction supramentale. Donc, dans un courriel que je lui avais écrit, j'y avais dit, faut contester l'esprit pour améliorer son sort. Donc, j'avais écrit ça dans l'optique que si tu ne demandes rien dans la vie, t'as rien. Si t'attends après les autres pour être heureux, tu risques d'attendre longtemps. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'établir un rapport de force avec l'esprit. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est « il ne faut jamais contester l'esprit ». Contester est égotique. Ce sont ces contestations que tu fais qui me font chier, David. Il n'y a aucune contestation à faire à l'esprit. Tu dois subir l'esprit tant que tu n'es pas assez vibratoire pour le conquérir, le démolir. Philosophie donne à l'individu en attendant de la pseudo-liberté par rapport à la présence de l'esprit en lui, dans sa vie à lui. C'est ce que je te dis. L'esprit, lui, s'en crisse. Que l'on fasse ça. Il nous voit venir avec nos petits jeux égotiques réflexifs pour manifester notre mécontentement. Ça ne sert à rien. Seule une opposition vibratoire de notre part pourra le castrer, le doubler. Et là, à ce moment, il te dira « c'est ça qu'il fallait que tu fasses ». Mais d'ici là, tous les jeux psychologiques qu'on utilise sont morts-nés puisque sans puissance réelle, sans volonté réelle, sans amour réel, sans intelligence réelle. Juste une position humaine. C'est comme quand ta fille s'objecte. C'est bien cool, mais c'est quand même toi le parent qui la lève, la lave et la change et la nourrit. C'est la même affaire. Elle a beau se croire et se vouloir libre dans son petit monde, seule dans sa toute puissance à elle, mais elle délire un peu quoi, comme nous tous. c'est l'entité au-dessus qui a raison, en l'occurrence ici, le parent. Et ce, tant qu'elle ne peut pas se lever toute seule, se laver toute seule, être autonome à tous les niveaux. Et là, elle peut partir de la maison pour faire sa vie à elle. Mais tant qu'elle est à la maison et qu'elle philosophise sur le monde comme une ado de 15 ans arrogante, que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est probablement cette expression-là québécoise qui est utilisée. Elle a tort. Elle ne connaît pas le monde. Elle n'a pas bagarré le monde. Elle n'est pas seule dans le monde, dans son appart, dans son boulot, dans son couple, dans sa vie. C'est facile de se donner raison en faisant du blabla, mais c'est une autre affaire d'être capable de remonter à l'esprit et de lui casser la gueule, c'est-à-dire mettre fin à son initiation. Toute contestation est inutile et contre-productive. Toute! Donc, c'est ce qui m'a répondu. Moi, ce que je dis, c'est que dans un sens, tant que nous ne sommes pas fusionnés, on demeure immature cosmiquement parlant, comme des enfants qui sont sous tutelle. Donc, en lien avec son propos, puis l'image par rapport à l'enfant est intéressante dans le sens que l'esprit, la contrepartie cosmique de l'individu, peut être comparable à un parent avec une plus grande maturité que l'ego en voie de développement. Donc, certes, le parent, dans le fond, va chercher à encadrer l'enfant pour éviter les débordements de l'enfant qui peut être assujetti par l'astralité, assujetti par des forces d'influence, la publicité, la mode, etc. Donc, pour ajuster l'enfant dans son comportement, et ainsi de suite. Sauf qu'en effet, c'est sûr que tant que l'enfant a un statut planétaire involutif, il n'y a pas l'autorité de l'esprit qu'une conscience multidimensionnelle de nature cosmique. Et tant que l'enfant n'aura pas égalisé son rapport avec l'esprit, ben l'enfant n'est pas considéré comme un adulte au même titre que son parent. Donc, le parent a un droit parental sur l'enfant tant que l'enfant n'est pas majeur. Et tant que l'individu n'a pas totalement intégré la fusion avec l'esprit, l'esprit a un droit sur l'individu en voie de développement pour, dans le fond, lui créer des programmations en vue de l'amener à développer et à devenir mature et horizontalisé, et que le rapport entre les deux soit horizontalisé. Donc, c'est ce qui peut être dit en lien avec son propos. La réponse en passant que je vous fais, là, j'ai pas fait aussi détaillé que ça là, dans l'écrit. Là. Aujourd'hui, je prends son texte puis je le commente. Donc, c'est ça que je voulais mentionner aussi. Puis des fois, en parlant, ben c'est intéressant parce qu'on peut faire des parallèles avec des réalités terrestres. Donc, le rôle du parent par rapport à l'enfant, le statut qui est pas pareil. Hein? Un enfant, c'est un mineur et un parent, c'est un adulte qui est majeur. Et c'est la même chose entre l'être humain en voie de développement puis de l'esprit. Ils n'ont pas le même statut vibratoire et non pas statut juridique. Mais il y a un parallèle quand même à faire entre les deux qui peut être intéressant à être exploré, là, entre autres, à travers la parole. Donc, moi, je continue mon échange avec lui. Je dis que l'ego, faut que l'ego soit capable d'amener, commander de manière vibratoire l'esprit dans un rapport de force. Là, il répond... C'est très bien dit ça, David. Tu comprends exactement ce que je veux dire alors. Là, je rajoute, l'ego a à dire ses besoins. Puis là, il me répond ceci. Mais Carlis, c'est quoi votre problème, les humains? Vous pensez que le double ne les connaît pas, vos crises de besoins? Et elle vous étudie depuis des millénaires, Carlis. Franchement, on fait dur. Là, il me dit ça. Là, j'ai l'impression que là c'est la réplique que j'ai là, présentement, c'est qu'en lisant ça, il y a comme une vision du double ou de l'esprit, un peu comme celle des chrétiens d'un Dieu omniscient, omnipotent, un Dieu qui est partout, qui voit tout, qui comprend tout. Mais l'esprit, ce qui doit être dit par rapport à ça, c'est que l'esprit n'est pas totalement dans une compréhension absolue du réel, étant donné qu'il y a des gens qui se suicident. Car il y a des besoins criants, il y a des besoins importants qui ne sont pas comblés. Donc, autrement dit, s'il y a des contreparties terrestres d'êtres humains sur Terre qui en viennent à se suicider, Bon, ben, c'est que dans certains cas, il y a des ajusteurs de pensée, donc des esprits qui manquent d'ajustement. Parce que sans ça, on n'arriverait pas à ce point. Donc, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, d'où le phénomène de l'involution, c'est-à-dire la dégradation énergétique qui a amené, entre autres, les fléaux planétaires que sont la guerre, la famine, la malnutrition, le phénomène du terrorisme, le phénomène par la suite de l'intimidation, les cyberattaques, donc les luttes astrales qui se projettent dans le cyberespace, ainsi de suite. Les problématiques planétaires sont essentiellement en relation avec l'involution, avec la dégradation d'énergie éthérique qui s'est densifiée, qui a amené l'astralisation. Sauf que si l'esprit serait aussi parfait que l'ont décrit certains initiés ou conférenciers, ben à ce moment-là, les problématiques sociales qu'on connaît, qui amènent des gens à tuer ou à suicider, on les connaîtrait pas. Le phénomène de la guerre va amener des gens à être découpés en morceaux par l'explosion de bombes, ben il n'y en aurait pas sur Terre. Pourquoi? Ben c'est en relation avec des failles de programmation. Ah, s'il y a des failles de programmation, c'est parce qu'à quelque part, l'esprit, lorsque créé l'être humain, n'avait pas une compréhension absolue de l'être humain qu'il créait et des différents agissements potentiels que pouvait avoir l'être humain. Donc, il y a eu des dérapages. Moi, la perspective que j'ai, c'est que lui va dire, ben l'esprit, c'est évident, c'est quoi vos besoins, il est capable de s'ajuster. Mais je veux dire, pas nécessairement. Parce que oui, il y a des esprits qui vont amener des gens à vivre des privations par rapport à certaines choses pour créer des oppositions, puis que la personne monte en vibration, en colère mentale, puis qu'elle s'ajuste davantage sur le plan vibratoire. C'est une recette qui peut fonctionner dans certains cas, sauf par rapport à la même situation problématique et voire même traumatique dans certains cas. Il y a des gens qui vont venir à se suicider. Il y en a qui passent l'initiation, il y en a qui trépassent. Donc, par rapport à un seuil initiatique, c'est soit la personne passe, elle passe au travers, ou elle trépasse, elle meurt. Ça peut aller à ce point-là. Dans le sens qu'à un certain niveau, quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, quelqu'un qui perd un travail, quelqu'un qui apprend qu'il y a un problème de santé grave ou même chronique, dans certains cas, il y a des gens qui vont monter en vibration, vont se réinventer, vont avoir un taux vibratoire qui, suite à le choc de ce type de nouvelles-là dans leur vie, va être beaucoup plus élevé, vont développer une capacité de résilience, d'adaptation, et ainsi de suite. Tandis que d'autres qui vont sombrer dans la dépression, vont avoir des idées noires, ils vont se faire astraliser, puis ils vont se suicider. Donc, une question de dosage de choc, et j'ai l'impression que certains esprits qui manquent d'ajustement. D'où le fait que des fois j'aime dire à la blague qu'il y a des ajusteurs de pensée qui devraient être ajustés. Pas juste se contenter d'ajuster. Et à mon avis, l'homme nouveau, avec un grand H qui inclut la femme nouvelle, naturellement, aura à ajuster tôt ou tard les plans par rapport à une compréhension pratique du vécu que ces êtres ont sur le plan physique. Le plan physique ajustera le plan éthérique. Le plan éthérique ne doit pas être tout simplement le lieu où réside l'esprit et des êtres immatériels qui vont dicter les lois de la vie à l'être humain. L'être humain doit être capable de dicter, de partager tout au moins la réalité qu'il vit en tant qu'être au monde à travers un corps dans un contexte matériel limitatif pour qu'il y ait un ajustement des plans à sa réalité, un ajustement des programmations qu'il va connaître dans les prochaines années en relation avec une intégration au niveau vibratoire d'un échange d'énergie qu'il va faire dans son rapport avec l'esprit pour qu'il s'ajuste à lui dans la façon qu'il va codifier, créer des trames évolutives à l'égard des événements de son quotidien et également par rapport aux événements collectifs qui vont marquer la destinée de certains individus qui sont voués à naître sur le plan physique dans les prochains siècles. Voilà qui est dit. Je continue. J'avais fait un enregistrement où je disais avant le temps des fêtes, donc lors de l'automne 2023, que l'ego doit se regarder, s'observer. Je parlais de l'importance là par rapport à ça. En fait, l'enregistrement, je peux essayer de trouver le titre. C'est l'enregistrement qui s'intitule, là, je suis en train... Ah oui, les priorités de vie qui a été fait en novembre 2023. Donc, on avait échangé par rapport à cet enregistrement. Et je parlais beaucoup de l'importance à l'ego, de l'ego de s'étudier, de se regarder, de s'observer. Puis par rapport au fait que je disais que l'ego doit se regarder, il m'a répondu ceci. Absolument pas. L'ego ne doit jamais se regarder, David. Jamais. C'est la pire affaire à faire. C'est une astralisation directe. C'est pas en se regardant, David, que l'ego en arrive à contester l'esprit. Absolument pas. C'est en se dépassant, en s'oubliant, pas de manière bouddhique, stratège, cinquième race, mais bien en le dépassant, et ça de manière vibratoire. Faut dépasser l'ego, mon David. Pas le réfléchir, jamais le réfléchir. Contester, c'est s'objecter. Faut pas s'objecter non plus à l'esprit. C'est toujours des gestes de l'ego et de la personnalité, ce qui cherche du lousse, une pseudo-liberté, hein, en contestant, argumentant, s'objectant et critiquant. Ce sont ces choses-là que je te reproche. C'est là que je décroche. Ça ne me dit rien. Donc, vibre pas. Il n'y a aucun double là-dedans. Donc, il m'a écrit ceci. Il va contester. C'est sûr que si je parle de se regarder dans un sens d'attitude psychologique, oui, ça peut être contestable parce que là, on parle d'une réflexion. Mais en lien avec ce qu'il dit, le point que je veux faire, c'est que si c'est l'astral en soi qui conteste l'esprit dans une attitude réflexive et analytique, suite à de l'observation soit réflexive de sa personne, oui, c'est pas vibrant au niveau de l'esprit. Ça, c'est clair, je le concède. Là, c'est sûr que l'échange que j'ai avec... cet interlocuteur m'amène à apporter des nuances. Ça. Fait que c'est pour ça que j'apprécie cet échange-là avec Francis. Par contre, le point que je veux faire, c'est que si c'est l'esprit en soi qui conteste quelque chose, c'est pas pareil. Donc, le terme contestation en tant que forme, ça dépend ce qu'on entend par là. Dans le sens que, comme dirait quelqu'un que je connais, il y a de la contestation, puis il y a également de la contestation. Mais ça dépend de la vibration qu'on entend derrière le terme contestation. Parce que si la personne conteste avec son ego sous influence astrale, ben qu'est-ce qu'il va contester? C'est l'esprit, c'est le principe de l'intelligence. Tandis que si c'est l'individu qui monte en vibration dans un état de colère mentale et qui est allumé par le feu de l'esprit, ben qu'est-ce qu'il va contester? C'est l'astral qui va chercher à le limiter, qui va le chercher à l'aveugler, qui va le chercher à vibrer à de l'émotionnel pour s'en affranchir et faire éclater les formes dans lesquelles on peut chercher à piéger sa conscience. C'est très différent. Donc, dans un sens, on peut dire contester, c'est vibratoire. Puis dans un autre sens, on peut dire que contester, ça ne l'est pas. Donc, il y a des nuances à faire. Mais c'est sûr que si c'est une contestation systématique dans le cadre d'une attitude psychologique, en effet, c'est pas ajusté. Parce que la contestation est le fruit d'une réflexion de l'ego qui se regarde le nombril. C'est sûr qu'à quelque part derrière ça, il n'y a pas de l'intelligence. Mais si l'ego, dans le fond... vibre d'une vibration animée de l'esprit, puis il va contester l'astral pour déloger cette énergie-là, pour mettre fin à une vibration qui l'amène dans de la peur, de la tristesse, etc., pour se ressaisir. Donc, il y a un principe d'intelligence derrière ça. Mais là, à ce moment-là, l'ego ne conteste plus l'esprit. En fait, il va contester l'esprit mésadapté de l'astral. Mais est-ce que l'ego peut s'allumer vibratoirement pour contester l'intelligence qui l'habite, alors qu'il manifeste l'intelligence qui l'habite dans le feu mental? La réponse est non. En fait, ce qui est intéressant de le parler à voix haute, puis c'est pour ça que des fois, il m'écrit des messages, des fois j'écris, j'ai un certain niveau de captation d'éléments qui émanent en moi que je peux partager en échangeant avec lui, mais en parlant à voix haute, des fois, ça m'amène à plus loin, dans le sens que, rendu à un certain stade, quand une unification entre la conscience de l'individu et de l'esprit, que la conscience est une, la contestation n'a plus lieu parce que l'ego réalise d'une manière immédiate et instantanée l'intelligence de l'esprit. C'est ça que je voulais en venir. Sinon, ce qu'il rajoute, Francis, il dit « Il ne faut jamais être en mode observation de l'ego et de ses besoins ou de l'étude de ces derniers. Jamais. » Et c'est au grand jamais. Il ne faut jamais, jamais faire ça, David. C'est ça, se regarder le nombril, David. Il faut parler au double, David. C'est le double qui dicte tout. C'est beaucoup trop simple pour nous à capter ça. Il ne faut jamais être capable de s'observer dans le processus. Donc, il met beaucoup l'emphase là-dessus. Là. Faut pas s'observer. C'est parce que ça dépend comment qu'on l'entend. Tout ça, c'est délicat. Parce que dans l'enregistrement, tu sais, je parlais de faire l'étude de ses besoins. On peut avoir des besoins au niveau relationnel, au niveau financier, aux besoins, dans le fond, sur différents plans. On peut avoir des besoins de faire de l'activité physique pour que notre corps soit en santé, avoir une alimentation qui est saine pour que notre corps physique soit sain, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir différents besoins. C'est sûr qu'on peut en faire une étude psychologique en lien avec des paramètres de la médecine officielle. Si on prend, par exemple, au niveau alimentaire, étudier le guide alimentaire canadien, parce que moi, je suis au Canada, qui va faire des conseils sur la quantité d'apport calorique à avoir à chaque jour par rapport aux différents groupes alimentaires, et ainsi de suite. On peut vivre en fonction de paramètres externes. Le guide alimentaire canadien, par exemple, il dit davantage de manger des fruits et des légumes plutôt que de la viande et de la charcuterie. Quelqu'un peut ajuster son alimentation en conséquence, sauf qu'il agit en fonction d'un paramètre externe à lui. Tandis que si cette personne agit en fonction de sa conscience, il va faire une autorégulation sans se référer à ce paramètre externe. C'est très différent comme comportement. Bon, je vais revenir à son propos. Résumé important, David. Vous êtes seul dans votre conscience quand vous faites ça, se regarder. C'est-à-dire sans votre double. Alors que vous devriez être à deux dans votre conscience, toujours en présence du double et toujours seul sur le plan matériel dans votre conscience. Même quand les autres sont là, on est toujours seul dans notre conscience. Toujours. Il ne faut jamais partager sa conscience, jamais. Ben là, ça dépend ce qu'on entend par partager sa conscience. Moi, ce que je dirais, c'est que si c'est partager sa conscience avec les autres, c'est soumettre aux autres, en effet, c'est pas intelligent. Donc, c'est sûr que l'idée de s'observer, puis d'observer les autres, puis de se regarder mutuellement le nombril en disant qu'on est beau, qu'on est fin, en faisant de la complaisance, à travers un enregistrement, en effet, à quelque part, il n'y a pas d'esprit là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites dans le comportement qu'on peut avoir avec autrui, sauf que le point qui doit être fait par rapport à ça, c'est que l'individu doit savoir à partir d'une vibration qu'il capte, plutôt que de l'exercice d'une réflexion. Mais à défaut d'être capable de se savoir ou s'auto-instruire de soi-même dans l'immédiateté du moment présent, la personne peut réfléchir à ses besoins. Pendant tant aussi longtemps qu'il est capable de le faire. Lorsqu'il n'est plus capable, c'est fini. Mais bon. Ensuite, j'ai un autre échange avec lui, mais c'est toujours la même thématique, la contestation. Voici ce que j'y ai écrit. J'ai dit, d'un côté, tu dis que contester, c'est égoïque, mais en même temps, d'un autre part, tu me sembles dire que l'opposition vibratoire est légitime. Là, il me répond ceci. Oui, c'est bien ça, même si légitime n'est pas le bon mot. Contester, c'est une action psychologique. S'opposer, discuter, réfléchir, toute action que le « je » fait est égotique. Faire est égotique. Vouloir, la notion de vouloir, c'est égotique. À chaque fois que c'est « je » dans ta tête ou ta bouche, ça veut dire que ce n'est pas « tu ». « Tu », c'est la source. « Je », c'est l'astral. Si tu n'entends pas « tu », tu te fais astraliser. Tu es donc dans la condition humaine et tu ne peux pas t'opposer à la chose puisque tu as les moyens de la Terre. Donc là, il fait référence à l'involution. Tu as zéro volonté là-dedans. Donc j'arrête ici la lecture momentanément pour en revenir sur la distinction qu'il fait entre le « je » et le « tu ». Donc le « je », par exemple, quelqu'un va dire « j'ai besoin de plus d'argent parce qu'on vit une période d'inflation. » Donc, on peut dire, ben, c'est un mouvement de l'ego qui réfléchit sa condition, qui va évaluer que, bon, si l'inflation augmente, ça va coûter plus cher dans les prochains mois pour l'épicerie, pour s'alimenter. Ensuite, les dépenses courantes, les achats au magasin, s'ils s'achètent des vêtements, ben, ça risque d'augmenter aussi, ainsi de suite. Ça, c'est le « je » qui réfléchit, dans certains cas, d'une manière anxieuse par rapport à l'avenir en disant, ben, mon pouvoir d'achat va se dégrader, donc je veux plus d'argent. Puis pour ce qui est du niveau du tu, c'est pas un mouvement de l'ego, c'est un mouvement de captation énergétique que la personne fait, qu'elle peut canaliser. Donc, ce que ça peut dire dans la tête à la personne, tu n'as pas besoin de te casser la tête par rapport à l'avenir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Toi, tu cherches à prévoir par tes paramètres, mais tu auras peut-être un montant d'argent surprise qui va arriver. Il y aura peut-être telle chose, on peut faire miroiter. Mais ça peut dire à la personne, tu te casses trop la tête avec l'inflation. Occupe-toi de ta vie ici maintenant. Arrête de spéculer sur l'avenir. Tu n'as pas à gaspiller de l'énergie d'une manière monumentale en réflexion par rapport à l'avenir, étant donné que l'avenir ne t'appartient pas. Tu ne peux pas la prévoir, tu ne peux pas la contrôler, puis en réfléchissant à l'avenir, tu ne peux pas capter le réel de ce qui va arriver parce que précisément le fait que tu réfléchis te coupe du réel. Donc, toute réflexion par rapport à l'avenir est une perte de temps car l'ego qui réfléchit n'a pas accès à une compréhension globale englobante du tout. Et cette compréhension globale englobante n'est pas accessible par l'ego qui analyse. L'analyse ne permet pas de cerner l'ensemble. Mais l'individu peut capter l'ensemble vibratoirement de ce qui se passe. Mais il ne peut pas y réfléchir. Très différent. Mais bref, le « tu » puis le « je », c'est très différent. Donc, le « je », c'est le mouvement de l'ego qui se raconte. Le « tu », c'est le mouvement de l'esprit qui va lui dicter des choses. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc si ça parle à quelqu'un dans sa tête en employant le « tu », tu vas arrêter de te casser la tête parce que c'est une perte d'énergie par rapport à l'avenir puis c'est pas de ton ressort. Si c'est intelligent, l'ego qui a cette pensée-là, il va arrêter de réfléchir d'une manière anxieuse par rapport à l'avenir, possibilité d'inflation, possibilité aussi d'un conflit armé étendu entre l'Ukraine et la Russie, qu'il y aurait d'autres pays européens qui seraient impliqués, possibilité de changement climatique catastrophique, ainsi de suite. Ça stoppe le mouvement de réflexion. Bon, je vais continuer la lecture du document. Tu veux des affaires en tant qu'ego, mais tu, l'ego, a zéro volonté pour y faire face. C'est le règne de l'impuissance. Donc, tu peux argumenter, critiquer, parler, réfléchir, faire tout ce que tu veux. Ça ne changera rien. C'est pas le même code, la même décibel, la même vibration, le même code vibratoire. Il faut être capable de déchirer, menacer, si tu veux, s'opposer vibratoirement à la chose, sinon elle ne cède pas. Ça prend donc une conscience vibratoire et non pas une conscience psychologique réflexive qui veut des affaires et qui pense à des plans pour les avoir. L'ego et ses stratèges, ça ne marche pas. Tant que la conscience n'est pas vibratoire, on perd notre temps à parler en quelque sorte. L'ego n'est pas assez lavé. On n'a donc rien à faire d'autre que d'attendre que les chocs vibratoires viennent et nous nettoient. Bernard, lui, il fait référence à Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec, il disait « pas de choc, pas de conscience ». Entre-temps, c'est du blabla, du gros blabla. On tourne. Donc, tant que l'esprit n'intervient pas dans nos vies, eh bien, on ne peut rien. Tant que l'on ne subit pas les chocs, on attend son tour à quelque part, on végète. Donc là, c'est ça qui ramène les choses au principe des chocs vibratoires, dans le sens que c'est les chocs qui amènent des changements significatifs, c'est pas la réflexion. Et par rapport à des chocs, ben l'ego est obligé de s'ajuster. Il peut pas faire autrement. Il y a des trucs qui s'imposent, dans le sens que si quelqu'un part de chez lui, puis la maison prend en feu, puis par la suite, ben la maison est pas habitable, ben il y a pas le choix d'aller ailleurs. T'sais, si la maison, c'est une perte totale parce qu'elle a brûlé, puis il vit ça comme événement, ben je veux dire... Il a à composer avec l'événement. Donc, ça crée un choc énergétique. Il est obligé de se redéfinir comme un citoyen d'une autre maison temporairement ou d'un hôtel. Ça change. Ça crée du mouvement, comme on dit. Donc, sinon, en lien avec ce qu'il dit, moi, ce que je dirais, c'est qu'une distinction entre la volonté de l'ego sous influence de l'astral et la peur, qui amène dans certains cas de la contestation et la volonté réelle aux positions vibratoires. Parfois, il peut m'arriver de me plaindre en parlant à quelqu'un d'une condition de vie que je n'apprécie pas. Puis, des fois, je peux discuter avec quelqu'un qui est juste dans sa façon d'être présent à mon propos, va me faire réaliser que, ouais, vibratoirement, je suis capable d'encaisser le choc sans tomber dans la dépression, sans sombrer dans la déchéance, sans sombrer dans la folie. Mais c'est sûr qu'en tant qu'ego, je peux me plaindre. Donc, en lien avec ça, il y a quelque chose à faire, à observer en fait. C'est que l'ego peut être sous influence de l'astral pour se plaindre de quelque chose. En fait, la contestation de l'ego qui se réfléchit, ça peut être fondé sur l'anxiété. Donc, la vibration qui est derrière ça, c'est la peur, la réflexion qui amène à vibrer à de l'émotionnel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le réel de la souffrance qui est vécue. Donc, prenons par exemple la peur de manquer de l'argent à cause de l'inflation. Bon, quelqu'un peut avoir ça comme peur. Il peut contester l'esprit pour lui demander d'avoir plus d'argent dans sa vie. Mais il peut en discuter avec une autre personne, puis la vibration se place que, ouais, je suis obligé de reconnaître en étant transparent que j'ai assez d'argent pour être capable de payer mon loyer à chaque mois puis m'alimenter. Certes, je ne suis pas millionnaire, mais je suis capable de fonctionner. Si la personne est capable de reconnaître ça, ce qui arrive, c'est que la personne est obligée de faire, en tant qu'ego, preuve de transparence. Puis là, on va réaliser que finalement, la vibration derrière le désir d'avoir plus d'argent, c'était une vibration astrale. C'était pas supporté vibratoirement par l'esprit. Par contre, quelqu'un peut demander d'avoir plus d'argent, puis c'est ça qui est subtil, c'est que ça peut être supporté par la vibration de l'esprit, dans le sens que la personne peut dire, ben là, dans ma vie, ça marche plus, je suis plus capable de payer mon loyer à chaque mois, ben là, il va falloir que j'ai plus d'argent à ma disposition pour y arriver. Puis là, la personne peut casser une forme astrale en disant, ben, à chaque mois, je fume la cigarette, je bois de la bière, ben, j'arrête pour récupérer l'argent qui est dépensé pour ça, pour mettre l'argent tout simplement sur mon loyer pour être capable de payer le loyer. Mais ça peut être différents mouvements. Ça peut être, la personne peut dire, ben, je vais arrêter d'aller manger à chaque semaine au restaurant, etc., selon ce qu'elle a à faire. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut l'impliquer, dans ce cas-ci, l'intelligence de l'esprit qui l'amène à réorganiser son énergie. Mais ça peut être aussi la personne qui ordonne à l'esprit d'avoir plus d'argent, puis comme on est connecté à l'univers, bien, il y a un concours de circonstances que finalement, bien, il obtient un emploi plus lucratif. Il y a des circonstances qui s'enchaînent que finalement, bien, elle obtient un emploi qui lui permet de payer son loyer à chaque mois, puis de manger décemment, puis de s'occuper de sa famille. Tu sais, il y a différentes choses qui peuvent se faire. C'est pas tout le temps l'ego à se priver. Il peut avoir une augmentation aussi de ses ressources auxquelles il a accès. Mais tout ça, c'est subtil, puis c'est vibratoire. Fait que dans un sens, quand je parlais tantôt de contester, ben il y a des nuances à apporter avec ça. C'est tout le temps en fonction de c'est quoi la vibration qui est derrière l'élan contestataire que peut avoir la personne. C'est ça qui doit être observé vibratoirement, non pas psychologiquement, intellectuellement ou réfléchi, mais étudié vibratoirement. C'est subtil. Donc, l'ego peut désirer être en contrôle de sa vie, être multimillionnaire pour ne pas souffrir de l'inflation, la dégradation du pouvoir d'achat, mais l'esprit, ça se peut qu'il ne donne pas à l'ego les conseils qu'il aimerait avoir pour avoir les meilleurs placements à la bourse, pour savoir c'est quand acheter et vendre des titres boursiers ou des fonds de placement. Donc, l'esprit ne va pas nécessairement chercher à répondre aux désirs de l'ego, surtout si les désirs de l'ego sont le produit de l'activité astrale souterraine au sein de la psyché de l'ego qui l'amène à vibrer d'insécurité puis à désirer tout le temps, à désirer tout le temps le plus possible d'avoir de l'argent. Parce que le but de l'esprit, c'est pas que l'ego reste éternellement soumis aux caprices de l'astral en lui donnant ce qu'il veut, parce que ça ne change pas l'état de l'ego. Tu sais, l'ego qui est... Ça a dit intérieurement de demander à l'esprit un concours de circonstances pour faire des placements qui lui permettent d'être multimillionnaire. Puis si ça s'actualise, mais l'ego, il ne sera pas plus évolué par la suite. L'ego va maintenir le statu quo. Pourquoi s'ajuster à l'intelligence de l'esprit quand que il peut fonctionner ou continuer à fonctionner avec l'astral sans être bousculé par dans son fonctionnement? Donc, pourquoi remettre en question son comportement? Donc, même si d'un point de vue extérieur, on peut dire que c'est un comportement involutif qui ne fait pas sens, un peu comme, par exemple, il y a des gens qui vont battre leur conjointe ou battre des enfants, on va dire, d'un point de vue extérieur, ça n'a pas d'allure. Mais si ces gens-là ne sont pas confrontés aux limites de leur comportement, ben ils risquent de continuer les mêmes comportements par une forme de mécanicité et d'habitude. C'est comme quelqu'un qui boit chaque jour son café. S'il n'y a rien qui fait en sorte que ce comportement-là est mis en échec, bien, probablement que dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, il va continuer à boire son café. Des gens qui sont agressifs, puis violents, puis ont tout le temps ce qu'ils veulent en fonction de ça, puis qui dominent, s'ils ne sont pas mis en échec dans leur comportement de domination, bien, ils vont continuer. Les dictateurs, habituellement, du jour au lendemain, ne vont pas dire au peuple, « Ah, on va vous ordonner vos droits et libertés, puis on va vous permettre d'être davantage en puissance. » Mais non. Habituellement, la liberté n'est pas donnée au peuple. Le peuple doit la prendre pour se libérer de la tyrannie, des abus d'autorité, des gens au pouvoir, et ainsi de suite. Et ça, c'est souvent lié à un rapport de force et de contestation. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est quelqu'un, c'est spécial là, tout ça, c'est quelqu'un peut demander d'avoir plus d'argent. Dans certains cas, c'est supporté vibratoirement, dans d'autres cas, pas. Et la conscience, l'intelligence, c'est ce qui nous permet de faire la distinction entre les deux. Donc, la conscience vibratoire sert à ça. Là, j'y avais écrit d'ailleurs, en fait, tout ça est subtil. Lui, il me répond, je te rejoins. C'est subtil pour la simple et unique raison que ça ne se pense pas et que nous, on essaye d'y penser. Ça se vibre. C'est ça, Bernard disait, il n'y a rien à comprendre. C'est ça qu'il faut dire, puisque l'esprit, c'est tout. Quand on le vibre, on le sait. Avant de le vibrer, on ne peut que tourner autour. On ne sait pas de quoi on parle. Moi, j'y ai écrit parce que, dans un sens, la contestation et l'opposition vibratoire sont la même chose si on ne donne pas un certain sens aux mots. Il dit oui, mais comme je te dis, il ne faut pas réfléchir à ça, il faut le vibrer. Contester, c'est psychologique. C'est un dérapage de l'ego. S'opposer aussi. Ça le dit, s'opposer, c'est violent, psychologique. Par contre, si tu dis porter une opposition vibratoire, ça veut dire que tu as une vibration en toi pour t'opposer à la chose. C'est pas une opposition pour une opposition. Ça serait de l'ego. L'ego qui bloque, boude, se différencie, fait ses marques, cherche à se définir, veut exister, critique, se veut. C'est une révolte vibratoire que ça prend. Mais encore là, ça n'a rien de révoltant. Se révolter serait une action psychologique, mais se révolter psychiquement, c'est une opposition par soi, de soi, à l'intérieur. Un face-à-face, une lutte. Ça, c'est bon. C'est pas une astuce psychologique ni un truc qui se pense. C'est une action vibratoire en soi, pour soi. Ça a de la portée, ça va loin, ça vibre, ça veut dire quelque chose en opposition à une action psychologique qui est toujours limitée et ne donne rien. Elle ferme sur soi. Donc, en lien avec ça, je dis ceci, le vibratoire en soi peut s'opposer au psychologique en soi, c'est évolutif. Mais le contraire, soit l'astral qui s'oppose à l'esprit, ça ne l'est pas, c'est retardataire. C'est subtil de faire la différence entre les deux, ce qui est un acte sur la vibration de l'esprit ou pas. Donc, la nuance est très subtile entre les deux parce qu'on peut utiliser exactement les mêmes formes. Donc, comme le mot contester, le mot, dans le fond, opposition, mais on peut donner des sens sur le plan de l'énergie très différents. Donc, d'un côté, tu sembles reconnaître la pertinence de position vibratoire pour commander à l'esprit. Donc, c'est ce que j'y ai dit. Il me dit, pas le choix, mais on ne peut pas le faire avant d'être capable de le faire. Ça se fait naturellement quand tu es capable. Tu l'accroches au mur quand tu es assez fort. Mais d'ici là, tu subis. Et le subis, et ça jusqu'au jour où tu es capable de lui... lui mettre fin à ton initiation de marde, là, ça va se faire. Maintenant, je fais ce que je veux, bye. Donc, c'est la personne doit mettre fin à son initiation, lui, il va dire de marde ou de merde. Donc, autrement dit, il faut que la personne ait un rapport horizontalisé avec l'esprit pour qu'il soit totalement fusionné avec lui, c'est-à-dire un sur le plan énergétique. Puis là, il n'est plus en période d'initiation par l'esprit parce qu'il devient, à ce moment-là, la conscience initiatrice. C'est très différent. Donc, je poursuis la lecture. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais rébellion me paraît trop humain encore comme forme. Je dirais plutôt qu'on prend sa liberté, son indépendance face à lui, aux forces de toutes sortes humaines et cosmiques. On ne se rébelle pas, ce qui serait une action psychologique. On s'affranchit, on décalisse de là, on l'envoie chier du dedans par notre indépendance d'esprit acquise. On s'isole de lui psychiquement, on dirige, on contrôle, on décide. On fait ce que l'on veut, on est fusionné. On fait donc ce que le double veut parce que nous sommes le double. Mais rendu là, on veut la même chose que lui, on est lui. De toute façon, alors là, il y a une unité en soi, bien dans sa peau, fin du tiraillement. On n'a plus besoin de personne, l'esprit a fait sa job. On en a fini avec l'invisible puisqu'on le devient. Il y a fusion des deux mondes qui avant étaient dits visibles et invisibles. Donc, en lien ce qu'il dit, moi j'avais écrit que par la suite, l'esprit va dire c'est ce qu'il devait faire advenant le cas. Donc, une fois que la contestation, puis lui, il va dire ça par la suite. Lui, il dit en lien avec ce comportement-là qui peut être observé dans le sens que quelqu'un remet en question l'esprit, puis l'esprit dit ouais, c'est ce que tu devais faire. Là, il dit ceci exact, mais il ne peut pas te dire comment faire parce que ce serait contraire au but même de tout son travail avec toi. C'est à toi de mettre un terme à ton initiation. Et tant que nous ne sommes pas assez forts, on n'est pas capable de le faire. On attend. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est à l'individu d'intégrer l'intelligence de l'esprit pour changer son rapport à lui et à l'esprit et à l'astral, soit d'arrêter de vouloir contester en relation avec l'anxiété qui vient en relation avec l'astral dans certains cas. Moi, c'est sûr que je parle de l'anxiété parce que je suis une personne plutôt en tant qu'égo psychologique qui se réfléchit de tempérament anxieux. Donc, c'est un aspect que j'ai ajusté dans ma vie. Une autre personne, ça serait une autre dimension. Il y a des gens qui ont davantage tendance, par exemple, à être dans l'avant-tardise. Puis à s'ajuster par rapport à ça. On peut avoir différentes failles de l'ego à observer, à étudier, à ajuster sur le plan vibratoire. Sauf que le point qui doit être fait en lien avec son propos, c'est que l'ego, quand il est pas, il dit, tant que l'ego n'est pas assez fort, il ne peut pas mettre fin à son initiation, dans le sens que tant que l'ego n'a pas totalement la contenance de l'énergie de l'esprit, il ne peut pas totalement intégrer cette énergie. Donc, à ce moment-là, il n'est pas ajusté à l'énergie car des raisons de manque d'intégration. Sinon, en ligne, ce qu'il dit, mais en même temps, moi, je disais, en même temps, tu dis que le dupe dit que tout plus loin dans son écrit, là. Il m'avait déjà dit ça. Il dit, forcément, oui, car le dupe, c'est toi. Toi en haut. L'esprit aide le dupe à descendre, si tu veux, des formes quand le double est stable, tu, vous, c'est-à-dire toi et le double, ton double cosmique, être un, vous crissez l'esprit dehors direct. Sa job est finie, le double aussi. La forme du double est finie puisque tu es devenu le double. Bon, son propos me fait penser au concept que quand la personne est totalement ajustée à l'énergie de l'esprit car unifiée à elle, est devenue esprit, ben à ce moment-là, elle n'a plus besoin d'ajusteur de pensée pour l'ajuster, car elle est ajustée. Puis là, je disais, on n'a pas de libre arbitre. Puis là, il me répond ceci, on n'a pas de libre arbitre, non, mais on peut dire, mais on peut devenir libre dans sa programmation. Le plus que l'on peut, c'est ça, c'est de devenir libre au sein de notre programmation, fusion à son esprit, à son double. Ce sont des mots. Ce ne sont pas des vérités, c'est des formes qu'on utilise pour dire la chose. C'est des concepts, des directions. Là, moi, je dis, donc, ça n'est pas clair si on a à se rebeller ou à se soumettre à l'esprit. Il me dit, ni l'un ni l'autre. On ne doit jamais se rebeller à l'esprit, on ne doit jamais se soumettre à l'esprit. Ces deux choses-là seraient des attitudes psychologiques. En même temps, on va forcément se rebeller, ne plus jamais se soumettre quand on va avoir assez souffert de l'initiation, puisqu'on va s'affranchir de lui, de son emprise sur nous. On va devenir le cosmos. On va forcément être libre de la forme, donc de l'esprit, du double, de la réflexion, de la pensée, de la terre, de la forme humaine, du corps. Mais on va faire ça vibratoirement, mon David, pas dans sa tête, mais dans son mental. Je continue. Là, j'avais écrit, si tu es confronté à une condition que tu subis, exemple, un problème de santé, donc, parce que j'ai fait des enregistrements là, dans l'année 2023, je faisais allusion à un problème de santé quand même qui a été important dans ma vie. Donc, mon urètre qui était sur le bord de boucher, puis il a fallu que je sois opéré d'urgence par un médecin, une contrariété majeure de ma vie. Donc, c'est des gens qui nous écoutent qui ont des problèmes de santé à leur niveau, qui leur créent la contrariété. Bien, ça peut être un sujet intéressant à aborder. Donc, lui, ce qu'il me dit... L'affaire David avec les problèmes de santé, argent, amour, travail, bref, l'affaire est que le problème, ça n'existe pas. Il y a une condition vibratoire à dépasser. Un problème, c'est une forme psychologique. Si tu n'y penses plus, tu n'as plus de problème. C'est ça. Un problème, c'est un jugement de valeur. On dit que c'est un problème pour dire que c'est un problème. Il faut être capable d'y réfléchir. N'y pensant plus, ne pensant plus, ne nourrissant plus la partie réflexive en toi, tu ne pourras plus avoir de problème. La forme derrière, les formes ne colleront plus à toi. Tu seras libre. En lien avec ce qu'il dit, moi ce que je dis, c'est que si le problème c'est de la réflexion, oui, dans certains cas, ça peut être l'anxiété qui amène à la création dans le mental de pseudo-problèmes, comme la peur, par exemple, de l'inflation que je peux avoir, dégradation de mon pouvoir d'achat dans les prochains mois. Il y a sans doute d'autres personnes qui vont entrer en résonance avec cette crainte, étant donné qu'on a vu au cours de l'année 2022-2023, l'inflation a augmenté beaucoup. Donc, il y a un appauvrissement qui se fait. Ce n'est pas juste au Québec. Je sais que les pays d'Europe aussi, que ce soit la France, la Suisse, sont touchés là, par le phénomène de l'inflation également. Là. Donc, le point que je veux faire en lien avec ça, c'est que oui, ça peut être un problème ou un pseudo-problème si on le réfléchit à cette notion-là par rapport à l'avenir. Dans l'optique de la peur de ne pas être capable de répondre à ses besoins adéquatement. Donc, par contre, si, dans le fond, je suis capable de répondre à mes besoins présentement, ce n'est pas un problème concret dans ma vie de tous les jours. C'est plus de l'ordre de la réflexion par rapport à l'avenir ou de l'anticipation que ça me crée un stress, une tension, un problème. Donc, de l'ordre de la réflexion, comme on dit. Par contre, le point que je voulais faire, c'est que je ne mettrais pas nécessairement dans mon cas tous les problèmes dans le même panier. Parce qu'on peut être confronté dans la vie de tous les jours à des problèmes pratiques, comme dans mon cas, problème de santé, l'urètre est presque bouchée. Puis si elle bouche complètement, je ne suis plus capable d'uriner. Il ne suffit pas que j'arrête de réfléchir à cette condition-là physique pour que mon problème se règle. C'est-à-dire que l'urètre se débouche par elle-même. Il a fallu l'intervention d'un médecin chirurgien qui m'a opéré, qui a ouvert le trou de l'urètre pour que je sois capable de pisser normalement. Fait que il y a des problèmes concrets, pratiques. Ce que j'apporterais comme nuance en lien avec son propos, c'est la réflexion par rapport à des problèmes par rapport à l'avenir. Mais quand c'est des trucs en lien avec le moment présent, très concrets, c'est pas juste un problème entre les deux oreilles, là. C'est pas juste le fruit d'une réflexion au niveau psychologique. Il y a une dimension concrète dans le sens que si la personne est en train de, je sais pas moi, est en train de faire une crise cardiaque, ben, je veux dire, c'est pas juste dans le cadre d'une réflexion qu'elle va avoir sa condition, là. sais, il y a quelque chose de concret physique qui se passe, là, à prendre en considération. Et je lui posais la question, est-ce que tu vas te rebeller face à l'esprit? Il me répond, non. En fait, je voulais savoir si elle allait se rebeller par rapport à l'esprit dans l'optique de régler des problèmes. Puis il me dit ceci, il dit, ne réglera rien. Il y a un taux vibratoire à monter et c'est toi qui vas le monter en développant les trois élèves, volonté, intelligence et amour. Je rétablis la lecture. Bon, c'est parce que, de ce que j'ai compris, Aleph, c'est la lettre A. Moi, je préfère parler des principes qui ont été amenés par Bernard de Montréal, là, volonté, intelligence, amour, des aspects à développer au sein de la personne, OK. Mais il y a d'autres éléments, en fait. Comment dire? Il y a des nuances à apporter, comme par exemple, on pourrait dire que dans le principe de l'amour, il y a le respect d'autrui. Il y a l'ouverture à l'autre, la capacité de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de l'autre personne. Donc, on peut ajouter des catégories en relation avec les principes, des sous-catégories de ces trois principes-là, puis d'autres principes, il peut en avoir plein. En fait, ce que je dirais plutôt, tout simplement, c'est d'être capable de monter en vibration en suivant l'élan vibratoire qui amène à un renouvellement créatif de notre psyché. Parce qu'il y en a qui peuvent vouloir vivre les principes de la volonté, de l'intelligence et de l'amour d'une manière psychologique en disant « ben, je suis capable de manifester le principe de l'amour, j'ai donné 20$ à la guignolée. » Ou la personne va dire « ben, j'ai fait du bénévolat, j'ai mis en ligne au-dessus de 600 enregistrements sur Internet, je suis dans le principe de l'amour par rapport à autrui pour que les gens bénéficient. » Tu sais, il y a toutes sortes de choses. On peut le réfléchir psychologiquement. La personne peut se donner le rôle d'un sauveur, dans le sens que la personne peut dire, j'ai initié le peuple québécois à des notions qui ne sont pas véhiculées dans les médias de masse j'ai un rôle à ce moment-là d'amener les gens plus loin dans leur compréhension du réel. La personne peut se donner un statut de sauveur en disant, j'ai sauvé les gens de la domination de l'astral et de leur inconscience. Mais moi, je ne me donnerais pas ce rôle-là. Je ne cherche pas à sauver les gens. Pourquoi? Parce que la minute que quelqu'un se définit comme sauveur, il va attirer à elle les victimes pour des raisons de loi de polarité. Je ne suis pas intéressé à m'adresser à des victimes de la vie, mais plutôt à des gens qui sont équilibrés. C'est un petit peu comme la personne qui va dire « Moi, je ne suis pas intéressé à m'adresser à mes auditeurs et auditrices comme à m'adresser à des enfants de maternelle ou à des élèves ou à des disciples. Je suis plutôt un maître qui s'adresse à des maîtres. Ou dans un langage différent, on pourrait dire, je m'adresse sur une base égalitaire à autrui. C'est-à-dire que je vise à vivre de la conscience, puis je suis intéressé à m'adresser à des gens qui vivent leur propre conscience pour eux-mêmes. Je ne suis pas intéressé à être un maître que des disciples. Je ne suis pas intéressé à être un sauveur que des victimes à entretenir dans le rôle de victime pour justifier spécifiquement le fait que je vais jouer un rôle dans leur vie de sauveur, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que si on s'associe à une forme qui donne une personnalité polarisée dans un rôle, on n'est pas dans la fluidité intégrale de l'être et à ce moment-là, ça crée des formes qui sont limitatives par rapport à notre personne et ainsi de suite. Donc, en lien avec tout ça, ce que je veux en venir, fait que, tu sais, je posais la question, c'est un problème, est-ce que tu vas te rebeller par rapport à l'esprit? C'est ce que je disais, ou l'amener à te composer intelligemment avec toi, ou est-ce que, j'ai dit aussi au contraire, est-ce que tu vas plutôt te soumettre à l'esprit? Parce que là, s'il ne se rebelle pas par rapport à l'esprit, tu vas-tu plutôt te soumettre? Il dit non plus. Là, il est, c'est nuancé son propos. Parce qu'il ne cherche pas à se contester l'esprit ni s'y soumettre. Donc, c'est intéressant parce qu'il ne se définit pas comme étant victime de l'esprit en se soumettant à l'esprit ou bourreau de l'esprit en le contestant, mais plutôt dans une position de neutralité dans son rapport à l'esprit. De ce que je comprends, c'est sûr qu'il pourra m'en dire davantage là, s'il écoute l'enregistrement présent et il veut commenter, là. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça l'entendre davantage par rapport aux contrariétés de la vie. Moi, j'ai un problème où mon urètre s'est bouché progressivement. Donc ça, ça a été une contrariété majeure en 2023, de des gens qui vont vivre comme contrariété des pertes d'argent, des ruptures amoureuses, ainsi de suite. Donc par rapport aux contrariétés de la vie qu'il a pu vivre, comment il se comporte? Est-ce qu'il accepte tout ça béatement en disant que le bon Dieu, il y avait des gens qui, dans un cadre spirituel, vont dire, ben le bon Dieu, il fait ça pour ton bien. Donc, les événements, les oppositions, il fait ça pour le salut de ton âme. Ou dans une espèce d'accueil d'amour inconditionnel à ce qui est. Donc, il y a des gens qui vont avoir une approche psychologique qui vont dire, ben à ce qu'on résiste, persiste. Donc, j'accueille ma maladie pour ne pas être en résistance psychologique par rapport à elle. J'accueille les difficultés financières pour être capable de rester centrique dans mon ego. Mais là, accueillir, c'est dans le sens de s'y soumettre ou de se mettre en action pour retrouver la santé, améliorer sa situation financière? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'accueil longtemps. C'est un petit peu comme la personne qui fait vie de pauvreté. Elle dit, j'accueille le fait que j'ai pas beaucoup d'argent. Là, tu poses la question, ouais, mais tu cherches pas à travailler plus ou à faire des économies pour améliorer ton sort. Dis non, je suis dans l'accueil. Tu sais, il y a des nuances à apporter parce que ça peut être une attitude psychologique aussi, l'accueil qui peut être retardataire sur le plan vibratoire puis mise en puissance. Tu sais, il y a des nuances à tout. C'est juste, ça devient intéressant de parler pour ajuster les choses. Puis là, j'ai posé la question, si par rapport à un événement, ça te dit que ça fait partie de ta programmation. Là, il me répond ceci. Il dit, la programmation, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas l'affaire du karma. C'est cool, une programmation. Le mot est mal compris. Le mot programmation est une manière de parler de la condition d'incarnation actuelle. C'est pas négatif. Là, j'ai dit ceci. À quel point l'ego doit être passif ou actif? Il me dit ceci. On ne doit jamais s'occuper de l'ego. Ça n'existe même pas, cette affaire-là, un ego. C'est de la connerie. Laisse tomber ça. C'est une affaire de l'Inde, ça. Un ego, bizarre comme vibration, non? Bernard disait, mon ego, il y a quelque part, là. Dans le sens que c'est assez comme ça, de savoir que, bien oui, il est là, mais il faut pas s'occuper de ça, mon ami. Fuck l'ego. Parle de l'esprit à la source. L'ego, c'est pas important. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je suis important. Mon ego qui mange de la marde. Ça fait 46 ans qu'il me fait chier. Lui, lol. Avec humour. Là, je reviens dans l'échange en lui disant, dans les événements qui peuvent te faire chier dans la vie, problèmes de santé, finances, etc. Et dans le fond, est-ce que tu vas essayer d'ajuster l'esprit par rapport à ça, ton rapport à lui, établir une forme de rapport de force pour mettre fin aux événements qui te contrarient profondément dans ta vie? Puis lui me répond ceci. Tu peux juste régler ce que tu peux régler. Tu peux juste parler à l'esprit à la mesure que tu es capable. C'est une question de vibrer ou de ne pas vibrer. Il n'y a pas de vérité. Tu peux faire ce que tu veux dans la mesure où tu es capable. C'est là que ça devient le fun. Prise de liberté par rapport aux croyances et dogmes et autonomisation face à sa source et sa passivité humaine face aux forces. Ne pensant plus vibrant, tu peux tout changer selon moi. Ça dépend encore une fois de ta programmation, mais tu peux théoriquement tout changer. Le critère de l'esprit que Bernard parle souvent et que moi je sens, c'est que l'esprit veut une chose, être bien en sa peau, la crise de paix. Alors tu interviens sur tout ce qui entrave et coupe cette paix, là non seulement au quotidien, mais à chaque instant, tu voudras être vibratoire, garder ton taux vibrant alors que tu couperas avec tout ce qui embrouille ta vibration. Ça n'a pas de limite. Tu vas devenir un Jedi. Là, il fait référence au film de Star Wars, là, les chevaliers Jedi, les combattants. Dans un sens, c'est des formes d'initiés. Tout ce qui entrave ta paix, tu vas le casser. Tout ce qui entrave ou le coupe, ça peut aller à jeter une branche qui nous dérange sur un arbre dans la cour, à jeter des petites culottes roses pour s'en acheter des bleus, à changer de femme, de voiture, l'alimentation, le travail. Tu deviens vibratoire. Devenant vibratoire, tu ne vis plus la vérité. Tu vis dans ton esprit à toi, avec ton double cosmique en fusion ici sur Terre. Toi, te Big Dave, Alors, si Big Dave veut tourner à gauche, tu tournes à gauche ici en bas. S'il veut que tu manges du chocolat, tu manges du chocolat. C'est ça, envoyer chier sa source. C'est d'exécuter son esprit. Tu n'as plus besoin d'eux autres puisque tu les deviens. S'il te dit de te lever la nuit pour chanter, alors tu te lèves et tu chantes. Tu es en fusion. Tu n'as même plus besoin qu'ils te le disent. Tu le fais. Tu es à l'écoute. Tu joues le jeu de l'ego. Là, on peut entendre ma fille à côté de moi, là. Tu entends le jeu de l'ego et t'as assez rendu là. Tu es la chose ici-bas. Tu exécutes le plan de Dieu sur terre dans les limites de ta vie. Selon ce que tu sens, selon ce que tu peux, ce que tu vibres. L'harmonie est très importante. Être bien dans sa peau, c'est être en harmonie. C'est se sentir bien en soi, vide et calme, sans pensée, léger dans sa tête, sans mission ni mandat, sans cause ni chose à faire, sans angoisse, dans un vide qui est la source sur terre. C'est trop simple puisqu'on est très complexifié. Il n'y a rien à faire, ni nulle part où aller. Rien à réussir, rien à accomplir, personne à aimer, personne à sauver, il faut vivre pour soi. Si tu vis pour toi, tu ne pourras plus tolérer le monde qui ne vit pas pour eux. Tu vas exiger que le monde qui te côtoie vive pour eux, sinon ta vibration va les chasser. Tu vas partir ou ils vont te quitter, ou tu vas intervenir pour clarifier. La vibration nettoie nos vies. Elle ne fait rien, mais elle nous pousse à agir. Elle nous pousse dans le cul pour agir par ici ou par là, développer de la volonté. Elle a toujours été là. Source de vie, mais la complexité égotique de nos êtres fait qu'on l'entend pas trop. On aime mieux pas l'entendre. On est mieux sans elle. On ne veut rien savoir de l'évolution après tout. Mais quand le temps est venu, on ne peut plus faire semblant que ce n'est pas là. On joue le jeu pour avoir la paix. On change de lieu de vie. On vit plus haut, en adéquation avec des principes de vie cosmiques. Une plus grande paix s'installe en soi. Les entités astrales partent, parlent moins dans notre tête. On est moins dicté, ni utilisé pour faire ceci ou cela. On est capable de s'opposer parce que le trou vibratoire a monté et le ménage est fait. Avant ça, il n'y a rien à faire. On subit des chocs. On ne comprend rien. On avance à l'aveuglette, mais avec le temps, on finit par devenir complice avec notre double. Et on accepte ce qui nous impose, c'est de tasser des choses. On n'a pas aimé ça, mais on reconnaît que c'est toujours intelligent, donc on collabore davantage avec lui. On l'incarne, on le devient. Ça devient intéressant. D'ici là, la vie, c'est de la merde. Mais vraiment, il y a de quoi devenir philosophe existentialiste et sombrer dans la folie la plus totale. Il faut que ces temps nouveaux arrivent. On en a tous de besoin. Donc, il complète la lecture comme ça. Puis là, ça tombe bien parce que ma fille babille davantage et plus active. Vous pouvez sans doute l'entendre en arrière-plan. Donc, c'est ce qui va terminer la lecture de cet échange que j'ai eu avec Francis. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et je vous salue particulièrement, donc les gens qui auront écouté tous ces enregistrements, et particulièrement Francis de Montréal-Est. Donc là-dessus, sur ces propos, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. À bientôt.